l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Parmi les équations célèbres de l'histoire des sciences, il y a les célèbres comme E égale MC2, A2 plus B2 égale C2, et puis il y a célèbres moins célèbres, mais qui n'en ont pas moins changé la marche des sciences et la compréhension du monde. C'est le cas de l'équation de Boltzmann, formulée il y a 150 ans cette année, en 1872. 5 ans avant sa formule plus synthétique, gravée sur sa sépulture, S égale Calog Oméga. C'est l'histoire de cette équation et de cette formule que nous allons vous raconter aujourd'hui, et celle de ce physicien considéré comme le plus grand de sa génération, qui finira par se suicider, quasi oublié de tous. Équation de Boltzmann, un pas en avant, c'est le programme thermodynamique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter dans les moindres détails l'histoire de cette équation et de celui qui l'a formulée, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à ce micro Jérôme Pérez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ENSTA Paris, enseignant-chercheur au laboratoire de mathématiques appliquées. Et nous sommes en ligne depuis Montréal avec Bernard Derrida. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire physique statistique. Mais on commence par celle qui résout des équations intégro-différentielles la nuit dans son sommeil. Tous les soirs. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence avec une étude parue dans la revue Science Advances qui confirme une nouvelle fois que les relations sociales influencent la structure du cerveau. Oui, du moins chez le macaque rhesus, un primate avec qui nous partageons de nombreuses similitudes cérébrales, avec son cortex préfrontal très développé. Depuis quelques années, on pense que l'environnement social est l'un des facteurs clés qui permet d'expliquer l'expansion du cortex chez les primates non humains. Une équipe internationale a mené cette étude en deux temps. Dans un premier temps, les chercheurs ont étudié la complexité des comportements sociaux d'une centaine de macaques rhesus qui vivent en liberté sur une île des Caraïbes. Puis, dans un second temps, sur ces animaux, les chercheurs ont mené des études en neuroimagerie. Les scans cérébraux ont révélé que plus la sociabilité d'un singe est élevée, plus il a d'interactions avec les autres ou de partenaires d'épouillage par exemple, plus certaines zones de son cerveau sont de taille importante. Jérôme Salé est chercheur INSERM à l'Institut Cellules Souches et Cerveau à Lyon. Il est le co-signataire de cette étude. L'étude en neuroimagerie a permis de révéler que certaines régions du cerveau, en fait la taille de certaines régions du cerveau, est plus importante chez les animaux qui ont un groupe social plus riche, donc qui ont plus de partenaires, donc on pourrait appeler ça en fait plus d'amis, en quelque sorte. Plus particulièrement, donc il y avait deux régions que nous avons pu mettre en évidence, situées donc dans la partie latérale du cerveau, dans le cortex temporal. Une première région qui est très intéressante pour nous, puisque en fait cette région partage de similarités à la fois en termes de connectivité, mais aussi en termes de fonction, avec une région qui, chez l'homme, est impliquée dans les processus d'attribution de croyances et de pensée à autrui. Et puis une autre région, qui s'appelle l'insula antérieure, et qui, elle, dans la partie de l'insula antérieure qui nous intéresse, par exemple chez le singe, si cette région est stimulée, on va induire des comportements affiliatifs. Donc c'est plus une région qui est impliquée dans les phénomènes dits d'empathie. Donc ces résultats, en fait, mettent en avant l'importance de nos interactions avec l'environnement social. Plus qu'une prédisposition à avoir un groupe social important du fait d'une région cérébrale plus développée chez certaines personnes que chez d'autres, en fait là, nos travaux remettent un peu l'accent sur le fait que c'est de par nos interactions sociales que ces variations, cette variabilité individuelle va se mettre en place. En effet, si on regarde les cerveaux de certains jeunes dont les mères sont plus ou moins populaires, on n'arrive pas à mettre en évidence de corrélation. Alors cette étude s'inscrit dans le cadre théorique d'une recherche notamment menée par Robin Dunbar qui a mis en évidence une corrélation entre la taille des groupes sociaux et le développement du néocortex chez les primates. Et donc selon lui, cette complexité des interactions sociales et leur richesse participerait ou aurait participé à l'évolution du cortex chez les primates. Donc ici, nous on se place d'un point de vue ontogénique et on met en évidence qu'à l'échelle de la vie de l'individu, en fait, notre environnement social est aussi important. Pour expliquer certaines plasticités dans les réseaux sociaux. Voilà, vous connaissez maintenant par cœur le refrain, vous savez que vous pouvez retrouver toutes les études dont il va être question au cours de cette heure. Nous en postons les liens vers les études originales ainsi que d'autres contenus pour venir compléter votre écoute de l'émission, toujours sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. L'Afrique du Sud est touchée par une nouvelle vague épidémique de Covid-19. C'est ce qu'a annoncé hier l'Organisation mondiale de la santé. Alors selon le rapport de l'OMS, deux nouveaux sous-variants d'Omicron pourraient être la cause de ce sursaut épidémique, les sous-variants BA4 et BA5. Pour l'heure, nous ne savons pas si ces virus sont plus dangereux, plus virulents que le variant originel. Néanmoins, selon les dernières données, l'OMS affirme que les vaccins semblent toujours offrir une bonne protection et qu'ils protègent des cas graves. Mais en Afrique du Sud, seuls 45% de la population adulte est entièrement vaccinée contre le SARS-CoV-2. Une autre épidémie inquiète l'OMS, c'est celle de l'obésité. Et c'est bien en ces termes que qualifie l'OMS cette vague d'obésité et de surpoids qui touche l'Europe. Selon ce rapport paru mardi, près des deux tiers des Européens adultes et un enfant sur trois sont touchés par ce phénomène. Depuis les années 70, la plus forte progression s'observe d'ailleurs chez les enfants. L'obésité serait à l'origine de plus de 1,3 million de décès par an et serait également responsable d'au moins 200 000 nouveaux cas de cancer chaque année de 13 types différents. L'OMS exhorte les politiques publiques à mieux réguler les produits néfastes, à taxer les aliments trop sucrés et à encourager la pratique sportive tout au long de la vie. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Cell Reports Medicine, une nouvelle thérapie génique a rendu des souris fertiles. Insuffisance ovarienne prématurée qui touche 1% des femmes de moins de 40 ans est causée par une mutation génétique qui trouble la communication entre les ovocytes et les cellules de la granulosa. Sur des souris stériles, des chercheurs japonais ont testé une thérapie génique délivrée grâce à un adénovirus associé. L'adénovirus a réussi à franchir la barrière hématofolliculaire qui protège les ovaires et a délivré, in situ, un gène pour produire une molécule clé pour la reproduction et a ainsi rétabli la signalisation entre la granulosa et les ovocytes. 8 souris sur 19 ont donné naissance à des sourisseaux en parfaite santé et sans modification de leur ADN. Alors, d'autres tests sont bien sûr nécessaires, mais selon les auteurs, ces travaux pourraient être une méthode puissante pour traiter l'infertilité féminine. Merci Natacha, et à demain pour le journal des sciences de la semaine. Les physiciens statisticiens vous le diront mieux que moi, 150 ans après sa formulation, l'équation de Boltzmann est encore extrêmement pratique, utile, elle serait en quelque sorte la mère de toutes les équations. En mécanique, cosmologie, astrophysique, physique des plasmas, physique des solides, électronique, transistors, diodes, semi-conducteurs, informatique, bref, elle est tout ce qui a fait l'architecture des branches de la physique du XXe siècle. Pourtant, cette équation n'est la plupart du temps que considérée comme un outil pratique, sans que l'on s'intéresse à son histoire ni à son auteur. Alors même que ces travaux ont assuré la transition entre la physique ancienne et la physique moderne. À l'occasion donc de ces 150 ans, nous allons tâcher de remédier à cela en nous intéressant tout au long de cette heure à cette équation et à son auteur. Écoutez ce qu'en disait Pierre Zweyacker, professeur de physique à l'université de Lausanne, c'était il y a 14 ans, dans l'émission de notre camarade Stéphane Denis-Georges. Boltzmann, sa théorie va heurter, dans le fond, plusieurs conceptions de son temps, du début du XXe siècle. À ce moment-là, les objections, on pourrait penser quand une théorie scientifique est présentée, on va faire des objections sur sa cohérence interne, on va voir s'il n'y a pas une faute de calcul dans les équations, des choses comme ça. Mais il n'y a rien de tout ça, on va rejeter la théorie de Boltzmann pour des raisons qui sont beaucoup plus de doctrine, je dirais, de principe, de philosophie. Il y a d'une part ceux qui pensent que c'est très dangereux de vouloir expliquer les phénomène à notre échelle par les mouvements des molécules. Parce que si on arrive vraiment à faire ça, alors peut-être qu'on arrivera à prédire le comportement de l'être humain en connaissant le mouvement de chacun de ses atomes. Et ça, c'est un peu gênant, ça réduirait à néant toute idée de liberté. Il y a aussi l'idée que, dans le fond, de vouloir expliquer des phénomènes par des statistiques, c'est pas très légitime. Quand on fait de la science, on devrait arriver à des conclusions certaines et non pas à des conclusions en termes de probabilité. Et puis il y a ceux qui pensent que, dans le fond, c'est un combat d'arrière-garde de vouloir tout expliquer par les mouvements des molécules, parce que ça serait une survivance, justement, des conceptions mécanistes qui avaient prévalu jusqu'au XVIIIe siècle. Alors tous ces différents rejets idéologiques font que Boltzmann va se trouver progressivement exclu des cercles scientifiques, alors que pendant les deux tiers de sa vie, il a été reconnu comme un des plus grands professeurs et des plus grands physiciens de son temps. Bon, ça va durer quand même plus de 10 ans, et un jour, il prend des vacances, il va en Italie, et en 1906, je crois, on le retrouve pendu dans sa cuisine. Voilà, Pierre Sveillacker, dans l'émission Continent Science de Stéphane Deligeorges. Une réaction, finalement, je trouvais que c'était une assez belle introduction à notre propos, avant d'expliquer le contenu exactement des travaux de Boltzmann. Finalement, cette histoire assez folle de ce physicien qui va vraiment faire passer la physique d'un état ancien à un état moderne, et dont qui va finir dans l'oubli, un peu rejeté par la communauté scientifique, Jérôme Pérez. Alors, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre introduction, que je trouvais meilleure que l'article. Enfin, que c'est tout à fait ça. C'est une équation fondamentale en physique. Enfin, exactement ce que vous avez dit, je vais vous répéter. Je partage tout à fait ce point de vue. Par contre, sur l'avis de mon collègue suisse, c'est résumé globalement, mais dans les détails, c'est pas exactement ce que j'ai retenu de cette histoire-là. Enfin, on va revenir là-dessus. Bien sûr. Bernard Derrida, votre réaction à cette archive. C'est une équation fondamentale, mais les objections étaient aussi de nature scientifique, par de très grands scientifiques qui se sont appuyés sur les travaux de Poincaré en particulier. Et puis c'est une équation qui a des défauts, en particulier elle a introduit l'irréversibilité qui n'était pas dans le problème de départ. Et je pense qu'on va y revenir à cette question de l'irréversibilité, évidemment, qui est au cœur de cette équation de Boltzmann. Par ailleurs, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'elle est beaucoup utilisée, mais on tombe sur des cas où, justement, elle ne marche pas aussi. C'est des cas d'école pour les spécialistes, mais c'est pas une équation qui marche dans tous les cas. Comment est-ce que vous expliquez l'un et l'autre que cette équation que Boltzmann, après l'avoir formulée, a vraiment joui d'une renommée internationale, hein. Certains évoquaient même ou parlaient de lui comme étant peut-être le plus grand physicien de son époque, et que l'histoire des sciences finalement n'est pas retenue à sa juste valeur, certainement, les travaux de Boltzmann, Jérôme Pérez. Alors, je pense que la renommée a été immédiate. Hein. Tout de suite après la publication en 1872, il a été vraiment reconnu au niveau international, spécialement par les anglo-saxons, parce que il a démontré d'une certaine manière des travaux qui avaient été faits par Maxwell, qui était vraiment l'idole des physiciens, enfin du côté anglo-saxon. Il était un peu plus difficile du côté germanique. Il était visiblement assez ignoré par les Français. On va revenir aussi sur ces points-là. Et la raison de son succès, elle est simple, c'est parce qu'en fait, il a fourni des explications à des choses qu'on ne comprenait pas. Ça faisait pratiquement plus d'un siècle qu'on avait formulé la thermodynamique, qui est la mécanique de la chaleur, en fait, la dynamique de la chaleur, des transferts de chaleur. Hein. On l'avait développé pour des raisons essentiellement pratiques. C'était l'époque le début de la révolution industrielle. On avait besoin de machines pour vider l'eau qui s'immisçait dans les trous qu'on faisait pour creuser les mines. On avait besoin de transporter du matériel, etc. Donc tout un tas d'ingénieurs, on va dire, et puis de scientifiques, hein, tout à fait éminents, avaient produit ce qu'on appelle la thermodynamique. Mais c'était une science qui était essentiellement phénoménologique. On avait élaboré des grandeurs comme l'énergie, la température, enfin des choses, la pression, qui était tout à fait manipulable, qu'on pouvait tout à fait quantifier, mais on savait pas très bien ce que ça représentait. Et le grand apport de Boltzmann, alors il y avait un certain nombre de choses qui avaient déjà été un peu mises au point par certains de ses prédécesseurs, mais le grand apport de Boltzmann a été d'expliquer cette thermodynamique et les points qui restaient incompris de l'intérieur, et de façon limpide. limpide. Ce qu'il y avait derrière finalement ces grands concepts qui ont servi à construire les machines-outils, les premiers moteurs de l'ère industrielle. Voilà. Ce qui répond pas tout à fait à ma question, je vais me retourner vers Bernard Derrida. Comment expliquez-vous justement que compte tenu de l'importance, en tout cas à l'époque, finalement de l'apport de Boltzmann, l'histoire des sciences, l'histoire de la physique aujourd'hui ne l'est peut-être pas retenue parce qu'effectivement ça ne fait pas partie des grands noms auxquels on pense immédiatement quand on pense aux physiciens ou aux physiciennes qui ont permis de franchir des caps ou de faire avancer concrètement l'histoire des sciences. D'abord, Boltzmann a fait ce que quelques très grands scientifiques ont fait, c'est-à-dire d'unifier des théories. C'est-à-dire que la thermodynamique et la mécanique de Newton, a priori, c'était deux sciences qui n'étaient pas compatibles, qui n'allaient pas ensemble. Et arrive Boltzmann et ses travaux, et les travaux aussi de certains de ses contemporains, et ils sont arrivés à montrer qu'en fait, tout ça n'était qu'une même chose. Un peu comme dans le cas, par exemple, de l'électricité au 19e siècle, Maxwell a montré que la lumière, le magnétisme, l'électricité, tout ça était la même chose. Donc c'est un très très grand nom de la physique. Je ne serais pas tout à fait d'accord en disant que c'est un nom qui est un peu oublié, puisque vous ouvrez n'importe quel ouvrage de physique contemporain et vous allez tomber automatiquement sur la constante K de Boltzmann quelque part. Elle apparaît partout. C'est un nom quand même qui est un des très très grands noms de la physique. Peut-être juste derrière Maxwell et derrière Einstein, Newton, mais pas beaucoup plus loin. Je me plaçais du point de vue du grand public et de la culture scientifique générale, mais vous avez effectivement tout à fait raison, Boltzmann n'est pas du tout oublié par l'histoire de la physique, bien au contraire. Nous allons en tout cas tâcher d'expliquer aujourd'hui ses travaux, de parler de son parcours et de comprendre vraiment dans le détail, autant que faire se peut, quelle est l'importance de sa contribution justement à cette bascule des sciences dans la modernité au tournant du 19e et du 20e siècle. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de Boltzmann et de son équation en compagnie de Jérôme Pérez et de Bernard Derrida. Alors, Jérôme Pérez, vous nous avez déjà donné effectivement quelques contextes historiques, la révolution industrielle, ces valeurs, en tout cas, ces notions qui étaient relativement manipulées mais mal comprises. Je vais peut-être donner la parole à Bernard Derrida, si vous pouviez nous résumer un peu le contexte scientifique dans lequel Boltzmann va intervenir, dans quel domaine, quel est l'état des recherches, dans quel contexte finalement physique et scientifique s'inscrit-il ? Donc, moi, je ne suis pas un historien des sciences, mais en fait, à mon sens, il y a trois aspects qui étaient connus au moment où Boltzmann se lance dans ses travaux. Il y a la mécanique de Newton, qui est une mécanique réversible, ce qui veut dire que quand on voit évoluer un système, eh bien, si vous preniez un film et que vous repassez le film en sens inverse, eh bien, tout va se passer selon les lois de la mécanique de Newton. Donc c'est ce qui gouverne le mouvement des planètes, des choses comme ça. Il y avait une théorie, alors à côté de ça, il y avait la théorie cinétique des gaz qui a débuté avec Bernoulli, les travaux de Maxwell, et qui essaye d'expliquer, qui permet d'expliquer la pression d'un gaz à partir de molécules qui s'agitent et qui vont frapper les parois d'un récipient et exercer comme ça une pression sur la paroi. Et puis il y avait, comme le disait M. Pérez tout à l'heure, la thermodynamique, qui est la science de la chaleur, de la façon dont on peut extraire du travail, de faire fonctionner des moteurs, qui est apparue au 19e siècle. Et cette thermodynamique, elle a fait apparaître deux aspects très fondamentaux. L'un, c'est l'irréversibilité, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes qui sont irréversibles. Par exemple, ce qu'on voit tous les jours dans notre vie courante, vous prenez un bocal avec de l'eau chaude, un bocal avec de l'eau froide, vous les mettez ensemble et ça donne de l'eau tiède. Et vous ne voyez jamais le contraire se produire. C'est-à-dire, contrairement à la mécanique de Newton qui vous dit que si vous voyez un phénomène, le phénomène allant en sens inverse dans le temps se produirait aussi bien, vous mélangez cette eau froide et cette eau chaude, vous avez de l'eau tiède et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et pour expliquer ça, Clausius a introduit un concept qui est l'entropie et il a établi des lois qui montrent que dans ce genre d'expérience, l'entropie augmente, et une fois qu'elle a augmenté, ben, vous ne pouvez plus la réduire. Donc, cette notion d'irréversibilité, elle est sortie de la thermodynamique, et le succès des travaux de Maxwell, c'était d'essayer de réconcilier ça avec la mécanique de Newton. Jérôme Pérez, oui, on arrive donc dans la thermodynamique où nous avions consacré une émission entière à la thermodynamique, à la seconde loi de la thermodynamique qui décrit l'entropie. Peut-être que vous pourrez compléter ce que vient de dire Bernard Derrida pour qu'on comprenne effectivement comment les travaux de Boltzmann vont arriver et vont compléter et vont peut-être même transformer un peu justement les travaux des personnes qui ont été citées jusqu'à présent, c'est-à-dire Bernoulli, Maxwell et on va reparler de Clausius et Kröning. Tout à fait. Alors, sans remonter à Newton, on avait compris que on pouvait se servir de la chaleur pour fabriquer du travail. C'était ça qui était intéressant pour faire une machine. Il faut fabriquer du travail. Le travail, c'est créer une force pendant une certaine longueur, sur une certaine longueur. Donc ça, c'est important. Vous allez pouvoir fabriquer un moteur, vous allez pouvoir fabriquer un piston, etc. Et donc, on avait compris qu'en en amenant de la chaleur à de l'eau, par exemple, on pouvait fabriquer de la vapeur. Et cette vapeur, qui était en expansion, pouvait pousser un piston. Et on avait constaté, ça dit Carnot, ou Lazare Carnot, on avait constaté que on pouvait transformer cette chaleur en travail, mais qu'il y avait toujours un rendement qui n'était pas égal à 1. Il y avait toujours des pertes. Donc ça, c'est le début. Donc le travail, c'était un mouvement macroscopique, et la chaleur, on ne savait pas très bien ce que c'était. Et les travaux précurseurs à Boltzmann avaient compris que, en fait, le travail pouvait, donc le travail qui était un mouvement macroscopique, pouvait être transformé en chaleur qui venait à être interprété comme un mouvement microscopique. Et c'est là qu'apparaît Boltzmann, il dit le mouvement microscopique associé à la chaleur, eh bien, c'est le mouvement désordonné de toutes ces particules qui constituent un gaz. Et l'apport de Boltzmann, ça a été de confirmer et d'utiliser cette propriété qu'un gaz ou que n'importe quel système macroscopique est constitué d'entités microscopiques, et de gérer ces entités microscopiques pour en faire des quantités macroscopiques. Et alors les problèmes qu'il a rencontrés en faisant ça. Alors peut-être avant d'en arriver là, peut-être faut-il nous raconter d'où il vient, qui il est, quels sont ses antécédents. Il sort pas de nulle part. Il est né donc. C'est un Autrichien. C'est un Autrichien. Voilà, il est né à Vienne. Il est né à Vienne à un moment où dans cette partie de l'Europe, il y avait pas mal de tensions. Hein. Il y a pas mal de révolutions au milieu du 19e siècle, un peu partout, même en France. Hein, il y a beaucoup de révolutions qui sont la conséquence directe de la révolution industrielle. Donc il est dans une période un peu agitée. Il fait des études brillantes. Hein, sa thèse, il l'obtient à un âge, alors c'est pas exactement une thèse, mais c'est à peu près l'équivalent, à un âge qui est entre 22 et 23 ans. 22 ans, 66, il est né en 44. Voilà, ouais. c'est quelqu'un de brillant. D'ailleurs, sa thèse, il va la faire sur un travail qui va être directement consacré à la mécanique statistique. Qui est un précurseur de son équation, en fait. Voilà, il commence déjà à travailler sur ce sujet-là. En fait, il a travaillé très rapidement, et ça, c'est son directeur de thèse qui lui a transmis. Maxwell avait fait des travaux, ou était en train de faire des travaux sur ça. Comment on peut interpréter et comment on peut déterminer la vitesse que pourraient avoir ces particules qui constitueraient ces gaz ou ces systèmes macroscopiques, comment on pourrait déterminer leur vitesse et quelle est la probabilité que ces particules aient une certaine vitesse. Il faut préciser qu'il n'y a pas encore d'atomes hein, à cette époque-là. Voilà, c'est un des problèmes qu'il va rencontrer. qui va être un problème majeur par ailleurs. Problème majeur. Alors les atomes sont une hypothèse qui va être directement utilisée par les chimistes parce que ça simplifie grandement la chimie de considérer les atomes pour expliquer ce qui se passe dans les réactions chimiques. Par contre, du côté de la physique, on arrive à s'en sortir sans utiliser les atomes. Avec des concepts comme l'énergie, la pression, des concepts plutôt continus, on arrive à s'en sortir. Et alors, quand Boltzmann vient expliquer, ou ces gens-là viennent expliquer que, il faudrait considérer un très très grand nombre de particules pour expliquer les choses macroscopiques, les physiciens qui sont autour de lui disent, mais alors il va falloir étudier le mouvement de tous ces atomes, et s'il y en a beaucoup, comment on va faire? Ça va pas être possible, et donc c'est un peu ouvrir une boîte de Pandore que de considérer qu'il y a des atomes à l'échelle microscopique. Et alors Boltzmann, il dit non, pas du tout, parce qu'on va pas les gérer un par un, on va les gérer de manière statistique. Et alors là, il se tire une deuxième balle dans les pieds, parce qu'en fait, à cette époque-là, Contrairement à ce qui est le cas maintenant, on n'avait pas du tout de théorie des probabilités. Et on peut même dire que les gens qui faisaient des probabilités à cette époque-là étaient considérés comme des joueurs de cartes. C'est ça. Les mathématiciens ne considéraient pas du tout que les probabilités, c'était une théorie, c'était des mathématiques, et c'était même discrédité. Il y avait très très peu de choses sérieuses qui étaient faites dans ce domaine. Et donc, invoquer les probabilités pour gérer ce grand nombre de particules, c'était aller contre l'avis de tous. Atomistes et statisticiens, ce sont les deux boulets que Boltzmann va traîner toute sa vie. Bernard Derrida, peut-être un mot. On a, je pense, assez bien posé le contexte. Vous avez évoqué, peut-être qu'il faut préciser un tout petit peu avant d'arriver à l'équation de 1872, les travaux de Krönig et Clausius, c'est-à-dire qui sont vraiment les derniers travaux précurseurs qui vont permettre à Boltzmann de proposer son équation et sa conception justement statisticienne du mouvement des particules. Bien, bon, le point central, je pense, c'est l'irréversibilité des phénomènes physiques que l'on voit à notre échelle. Donc, c'est quelque chose qui est très courant dans notre vie habituelle, enfin de tous les jours. Tout ce qu'on voit est essentiellement irréversible, nous vieillissons, etc. Mais du point de vue de la physique fondamentale, c'est des questions qui ne sont pas du tout évidentes parce que à l'échelle microscopique, l'évolution des particules, des atomes vérifie des lois qui sont totalement réversibles où le sens du temps est le même qu'on aille en avant ou qu'on aille vers le futur ou vers le passé. Bon. Et donc, le point, c'était d'essayer d'expliquer cette irréversibilité et c'est ce que l'équation de Boltzmann fait avec un petit tour de passe-passe, parce qu'il fait une petite approximation en écrivant cette équation de Boltzmann, et cette petite approximation, elle, crée l'irréversibilité. Sans cette approximation, d'une certaine manière, il n'y aurait pas d'irréversibilité. C'est ça qui a fait que ces travaux ont été beaucoup discutés, critiqués à l'époque par des mathématiciens qui voyaient que, du point de vue mathématique, l'irréversibilité n'existait pas si on faisait les choses avec la précision et la rigueur mathématique qui s'impose. Mmh. Mais alors concrètement, en quoi elle consiste? Qu'est-ce qu'il y a dans cet article de 1872 dans lequel Boltzmann va formuler cette équation, Bernard Derrida? Alors, l'équation de Boltzmann, elle décrit, on a un système avec énormément d'atomes. Bon, comme le disait M. Pérez, c'est pas possible de suivre la trajectoire de chaque atome. Ça serait impossible même d'écrire ces équations. Et donc, en fait, il adopte un point de vue qu'on appellerait mésoscopique, c'est-à-dire qu'il va dire, prenons des tout petits volumes, mais où il y a quand même beaucoup, beaucoup d'atomes, et à l'intérieur de ces volumes, de ce volume, on va essayer de savoir combien il y a de particules ayant une certaine vitesse V. Donc, pour toutes les vitesses possibles, on va essayer de dire, voilà, il y a tant de particules qui ont une certaine vitesse. Et l'équation de Boltzmann consiste à montrer comment ce qu'on appelle la densité de particules de vitesse V va évoluer au cours du temps, et cette évolution, elle va être en particulier modifiée à cause des collisions. Les particules entre elles vont faire des collisions et ça va modifier ses probabilités. Une particule qui avait une vitesse V va taper sur une autre qui a une vitesse V', un peu comme deux boules de billard, et elles vont, après cette collision, avoir des vitesses nouvelles. Et écrire l'évolution exact, sans approximation de cette densité de particules ayant une vitesse V, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, Boltzmann fait une approximation qu'on appelle le chaos moléculaire, et il produit son équation de Boltzmann, où on a une équation fermée, qui est malgré tout compliquée parce qu'elle est non linéaire, intégro-différentielle, mais malgré tout, il écrit une équation fermée, c'est-à-dire qu'il ne fait pas intervenir d'autres quantités pour cette densité de particules à la vitesse V. Alors, en fait, moi, il m'est arrivé d'enseigner ce sujet, et souvent, les étudiants ont appris un peu de chimie auparavant, et ils ont entendu parler de la cinétique chimique. Et ce que je trouve frappant, c'est que les lois de la cinétique chimique, qui sont un peu antérieures aux travaux de Boltzmann... Rappelez-nous, Bernard Derrida, ce que c'est que la cinétique chimique, exactement. La cinétique chimique, c'est que vous mélangez des produits, vous mélangez dans un bocal un certain nombre de d'espèces chimiques, et puis elles vont réagir, et vous pouvez vous poser la question avec quelle vitesse vont avoir lieu ces réactions. Et en général, la réaction, la vitesse de la réaction ou les produits, c'est proportionnel à la densité de chacun des produits que vous avez introduits. Et donc, c'est des lois qui datent de 1864 et qui sont dues à Vage et Guldberg, qui sont des Norvégiens, mais en fait, souvent, on appelle ça la loi d'action de masse, et c'est enseigné dans tous les cours élémentaires de chimie. Et si on au lieu de dire on prend la concentration d'une espèce chimique, on appelle ça la concentration de particules ayant une vitesse V, eh bien on tombe sur quelque chose qui est l'équation de Boltzmann. Mmh. Donc ça ressemble beaucoup à des idées qui existaient à l'époque, mais bon, c'est Boltzmann qui l'a introduit dans le cas des gaz et qui, bon, qui donc c'est ça qui est cette célèbre équation de Boltzmann. Jérôme Pérez, sur l'équation de Boltzmann, comment est-ce que vous la décririez avec vos mots? Comment est-ce que vous pouvez nous donner votre perception ou votre explication de l'équation de Boltzmann pour compléter ce que vient de dire Bernard Derrida? Alors je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut tout à fait visualiser, c'est que si on admet qu'un gaz qui est contenu dans certains volumes, hein, par exemple l'air qu'on respire, etc., si on le met dans une bouteille, l'idée c'est de dire que toutes les particules qui constituent ce gaz ont une vitesse. Donc il y a un certain nombre de particules qui ont une vitesse qui est faible, certain nombre de particules qui ont une vitesse, elles n'ont pas toutes la même vitesse, hein. Certain nombre de particules qui ont une vitesse qui est grande, et grosso modo, c'est assez facile d'accepter que y a une répartition un peu moyenne des vitesses qui est ce qu'on appelle la courbe en cloche, la courbe de Gauss. Mm-hmm. C'est ce qu'on obtient quand on fait un grand nombre d'expériences, quand on mélange tout ça, on obtient une distribution des vitesses qui est piquée vers le milieu là avec une sorte de cloche. Et donc ça, c'était ce qu'avait plus ou moins expliqué Maxwell. Il avait compris que si on faisait cette hypothèse, qui n'était pas très très bien établie hein, chez Maxwell, c'est plutôt une hypothèse, il disait que c'était comme ça, eh bien on arrive à être convaincu et ça a des conséquences qui sont intéressantes. Et le grand objectif de Boltzmann, c'était de démontrer ça. Est-ce qu'on peut démontrer que on va obtenir cette répartition qu'on appelle gaussienne des vitesses dans un gaz? C'est-à-dire, alors, si j'essaie de le dire avec mes mots, et vous allez me corriger parce que je vais certainement dire des bêtises, cette répartition gaussienne, c'est de dire que le maximum de particules sont à la vitesse maximum et il y a un minimum de particules qui sont à des vitesses minimum ou au contraire des vitesses extrêmes. C'est-à-dire que le maximum des particules, pardon, sont à une vitesse moyenne. Pardon. Voilà. C'est ça. Voilà. Et ça fait une cloche. Ça fait très peu de particules qui sont à une toute petite vitesse, puis ça monte, il y a une vitesse moyenne, il y a la maximum à une vitesse moyenne, voilà. Et puis ça redescend de l'autre côté et il y a une toute petite quantité qui a une vitesse extrême. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Voilà. Il y a plein de choses, c'est assez connu. C'est la cloche. On peut vous mettre sur Twitter une courbe de Gauss que vous voyez ça, mais vous connaissez tous ça par cœur. Voilà. Et donc l'idée c'était d'essayer de démontrer ça ou de montrer que c'était la solution. Mmh. Et donc il a essayé de construire à partir des lois de la mécanique en utilisant ce qu'on appelle le formalisme de Hamilton et donc les équations de Newton. En partant de ça, d'essayer d'établir, de trouver une équation dont la solution serait cette courbe en cloche. Et il y est parvenu. Et il y est parvenu en faisant un certain nombre d'hypothèses, comme disait Bernard Derrida, il faut faire l'hypothèse que lors des chocs qui se produisent entre les molécules, la répartition des vitesses après les chocs est aléatoire, il y a indépendance, enfin, des hypothèses qui sont maintenant bien connues des probabilistes. Donc il fait pour les premières phases une hypothèse et donc il obtient une équation dont la solution est cette distribution de Maxwell. Pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle maintenant la distribution de Maxwell-Boltzmann. En fait, Maxwell l'a découverte de façon un peu empirique et Boltzmann l'a démontré. Et donc cette distribution de Maxwell-Boltzmann va s'avérer comme étant la limite dans un certain état, ce qu'on appelle l'équilibre, de cette équation de Boltzmann. Et alors, il fait pas que ça dans cet article de 72. Donc, déjà, il montre que cette distribution de Maxwell, qui avait plein d'intérêts, peut s'obtenir comme la solution d'une équation. D'ailleurs, c'est la première fois qu'en physique, on écrit une équation dont la solution est une densité de probabilité. Ça, c'est la première fois. Ça va devenir très courant au XXe siècle. Maintenant, tous les physiciens font ça tout le temps, mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Et c'est la première équation qui est de ce type-là. Deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il donne il a conscience que c'est compliqué et que c'est novateur. Donc, il donne une deuxième façon d'obtenir ça. Et c'est là que ça va être aussi fondamental pour l'histoire de la physique. Il va expliquer ça. Pour faire des probabilités, on peut le faire soit de façon continue, on appelle ça des variables continues, justement, soit on peut le faire discrète. C'est-à-dire que comme on jette des dés, hein, on a des faces, on a un certain nombre de réalisations possibles, donc ça s'appelle des probabilités discrètes. Et il fait la version discrète de son équation. C'est-à-dire qu'il va discrétiser l'énergie pour la première fois aussi dans l'histoire de la physique, pour expliquer que même en discrétisant l'énergie, on peut obtenir son équation. Alors ça, ça va donner des idées une trentaine d'années plus tard à des gens comme Planck, comme Einstein, pour introduire les premiers concepts de la quantification de l'énergie pour le corps noir, pour des choses qui vont être fondamentales dans l'histoire de la physique. Et qui vont ouvrir la mécanique quantique. Qui vont ouvrir la mécanique quantique. D'ailleurs, Planck va être plus ou moins un des élèves de Boltzmann. Et le troisième point qui est dans cet article, c'est que Boltzmann veut montrer que cette distribution de Maxwell, qui est la courbe en cloche, est vraiment très intéressante, et il veut montrer que c'est la solution naturelle, c'est la solution vers laquelle on tend quand le système est laissé à l'équilibre. Et alors pour faire ça, il va montrer qu'il y a une certaine fonction, qu'il appelle la fonction H, qui ne peut que décroître. Et alors, c'est le fameux, ce qu'on appelle le théorème H. Donc, il montre que cette fonction ne peut que décroître. Et c'est là qu'il se rend compte que cette chose qui ne peut que décroître, quand on prend l'opposé, ça croît, puisque c'est l'inverse quand on prend l'opposé. Et cette chose qui ne peut que croître, il va pouvoir l'interpréter comme l'entropie qu'on avait mise en avant dans la thermodynamique pour expliquer les phénomènes irréversibles. Et donc là, il comprend que il a expliqué ce qu'on appelle en physique le second principe de la thermodynamique. Et donc là, il s'aperçoit qu'il a vraiment gagné, puisqu'il a d'abord redécouvert la distribution de Maxwell qui l'avait vraiment impressionné et qui est vraiment très utile et qui permet de comprendre de l'intérieur ce que c'est qu'un gaz. Et il explique aussi, par cette même équation et sa conséquence, ce que c'est que l'entropie de façon microscopique, entropie à laquelle on ne comprenait rien avant son équation. L'entropie qui est donc la seconde loi de la thermodynamique et qui explique comment tout système va vers une... Qui explique qu'on ne peut pas faire n'importe quelle transformation en thermodynamique. Il y a des transformations qui sont autorisées, et celles dans lesquelles l'entropie croît, et les transformations qui ne sont pas autorisées, celles dans lesquelles l'entropie devrait décroître. Donc on ne peut pas, par exemple, transférer de la chaleur d'une source froide vers une source chaude. C'est toujours l'inverse qui se produit. Et ça, il va l'expliquer de l'intérieur grâce aux conséquences de son équation. On va continuer à examiner les conséquences de cette équation, puisque Boltzmann ne s'est pas arrêté là. Vous allez voir que la renommée va arriver immédiatement. Il va avoir une renommée internationale. 5 ans après, il va produire un autre article qui sera également important. Mais les propositions de Boltzmann sont tellement novatrices qu'il va rencontrer beaucoup de contradicteurs, ce qui va l'emmener vers une fin de vie relativement isolée et assez tragique. Et on en parle dans quelques secondes musicales. La la la la la la. Hard Equation de Nerina Palotte à 16h38 déjà sur France Culture. C'est une équation certes un peu difficile mais que nous tâchons de vous expliquer aujourd'hui puisque elle a été formulée il y a 150 ans. En 1872, nous parlons de l'équation de Boltzmann en compagnie de Jérôme Pérez, professeur à l'ENSTA Paris, enseignant-chercheur au laboratoire de mathématiques appliquées, et Bernard Derrida, physicien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire physique statistique. Et Jérôme Pérez, on s'est arrêté. On a, je pense et j'espère, compris les implications et les avancées proposées par cette équation de Boltzmann, mais cette équation, elle ne va pas sans deux paradoxes qui sont pointés par deux scientifiques contemporains de Boltzmann, évidemment. Alors oui, donc c'est les conséquences directes de ce dont j'ai parlé, la décroissance de cette fonction H. Et donc ça va générer tout de suite, hein, immédiatement, deux contradictions assez simples à comprendre en fait. La première, ce qu'on appelle le paradoxe de Loschmidt, qui est le paradoxe de l'irréversibilité, ce que disait Bernard Derrida. L'équation de Boltzmann est construite sur les équations de la mécanique qui sont réversibles dans le temps. Et l'équation de Boltzmann elle-même n'est pas réversible dans le temps. Et donc comment, à partir de quelque chose qui est réversible dans le temps, on arrive à quelque chose qui est irréversible? Et donc c'est le grand paradoxe qui est pointé par Loschmidt. Loschmidt, qui est un ami hein, de Boltzmann, il travaille au même endroit. Et donc c'est une très très belle contradiction, d'ailleurs c'est ce que dit Boltzmann. Et la réponse qu'il lui propose, hein, il lui dit que en fait... Quand on a un très très grand nombre de particules, il est impossible en fait d'appliquer la réversibilité à un nombre de particules qui est trop trop grand. Exemple, par exemple, on a du gaz dans une chambre et juste à côté du vide. Si on ouvre et que le gaz se répand dans les deux chambres, il est impossible de faire revenir toutes les particules de gaz dans la chambre initiale. C'est ce qu'on constate. C'est irréversible. Voilà. Et pourquoi c'est irréversible? Eh bien, si on applique les lois de la mécanique, ce que dit Loschmidt, si on laisse ce gaz s'écouler, si à un moment donné on renverse toutes les vitesses des particules dans ce gaz, eh bien le gaz devrait revenir dans son état initial. Donc l'irréversibilité est contenue dans les équations. Mais en fait, ce que dit Boltzmann, c'est que en pratique, c'est impossible à réaliser parce que il faudrait pour cela arrêter toutes les particules, renverser leur vitesse. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait connaître la position et la vitesse de toutes les particules et être capable instantanément de la changer de sens. Ce qui, selon Boltzmann, est impossible. Alors, bien sûr, la mécanique quantique va arriver pour étayer tout ça, mais déjà, l'argument de Boltzmann est déjà compréhensible. Autre chose, il faudrait aussi... c'est ce que dit Boltzmann. C'est très, très compliqué de faire ça. Si on a une centaine de particules éventuellement, mais là, le nombre de particules qui a été mis en jeu et qui avait été proposé aussi par Loschmidt, ce qu'on appelle le nombre de Loschmidt, hein, faut savoir qu'à cette époque-là, on savait pas très bien combien il y avait d'atomes puisque ça n'existait pas. Oui, on connaissait pas. Et donc, juste à cette époque-là, on commençait à comprendre, hein, grâce aux travaux de ces scientifiques, que le nombre d'atomes dans un dé à coudre, par exemple, c'était pas une centaine, pas un millier, c'était plutôt un nombre avec plusieurs vingtaines de zéros après l'unité. Donc c'est un nombre qui est vraiment colossal et c'est ça qui rend impossible le fait de pouvoir rendre réversible cette évolution d'un gaz. Alors, dans des expériences modernes, on arrive à le faire dans des conditions pour des systèmes très très particuliers, mais on verra peut-être ça plus tard. Donc ça, c'est le premier paradoxe, le paradoxe de l'irréversibilité. Le deuxième paradoxe, c'est le paradoxe qui est plus technique, c'est le paradoxe de Zermelo. Zermelo, pardon. Et donc là, c'est aussi un paradoxe qui est plus mathématique, on va dire. Donc dans les équations, pour obtenir son équation, Boltzmann utilise un concept qui s'appelle les équations de Hamilton. Et dans ces équations... Dans ces équations, il y a quelque chose qui dit que si on part d'un état donné, eh bien, il suffit d'attendre pour repasser aussi près qu'on veut de cet état. Alors ça, on peut très très bien le visualiser. Par exemple, si on lance une boule de billard sur un billard dans lequel il n'y a aucun frottement, eh bien, la boule de billard va se promener, s'il n'y a aucun frottement, sur tout le billard. Et donc, il suffit d'attendre pour que la boule repasse aussi près qu'on veut du point d'où elle est partie. Donc ça, c'est quelque chose qui est contenu dans les équations de la mécanique. Et donc Zermelo dit à Boltzmann, puisqu'on va repasser aussi près qu'on veut du point de là où on est parti, comment une fonction qui est définie à partir de cet état initial ne peut que croître ou décroître, si on prend son opposé. ça n'est pas possible. En fait, elle ne peut pas avoir un comportement monotone. Elle va monter, mais elle va redescendre pour revenir du point où elle est partie. C'était un peu ça l'idée du paradoxe des Ermelots. Alors, Boltzmann y répond en lui disant « Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec cet argument, sauf qu'il calcule le temps qu'il faut attendre pour que ça se produise, et là, il tombe sur un nombre qui est incroyablement élevé, puisqu'on a parlé du nombre de particules, et donc c'est des dizaines, des puissances de 10 qui bien supérieure à l'âge de l'univers. C'est ça. On pourrait résumer d'une autre manière ce paradoxe en disant que statistiquement, rien ne s'oppose à ce que quand on a ouvert la cage entre les deux boîtes qui ont du gaz, toutes les molécules se retrouvent dans une seule à nouveau dans leur état initial, mais la probabilité pour que cela se produise, là, il faut attendre effectivement des années. Elle n'est pas nulle, mais elle est extrêmement faible. Et surtout, il faut que pendant tout ce temps, il faut considérer le système dans le même état. C'est-à-dire qu'il ne faut pas apporter d'énergie, etc. Mmh. Si on modifie un petit peu le système, là, il n'y a plus aucune chance que ça se produise. Bernard Derrida, sur ces deux paradoxes. Oui, moi, j'aime beaucoup cet exemple de gaz qui se répand dans un volume. Et en fait, on peut faire un calcul relativement simple. C'est que chaque fois que, si on a un système, par exemple, avec 5 particules, bien, elles vont se balader, et puis de temps en temps, elles vont revenir dans le récipient de départ. On verra ça de manière assez fréquente. Et puis, quand vous augmentez ce nombre de particules, même d'une certaine manière, chaque fois que vous en rajoutez 10, ça multiplie le temps par 1000. Donc, quand vous êtes à 200 particules, ce qui est quand même pas beaucoup pour un vrai gaz, vous arrivez à l'âge de l'univers. Et si donc quand vous arrivez au vrai nombre de particules, vous atteignez des temps qui sont totalement inimaginables et qui font que vous ne le verrez jamais. Ça, c'est une chose. Et ce que j'aime bien à propos de ce genre d'exemple, c'est que d'une certaine manière, mathématiquement, Boltzmann a tort, parce que c'est sûr que le système va revenir un jour à son point de départ, mais on ne peut pas dire quand. Si vous bougez une particule, la position d'une particule de manière infime, ce temps va changer par un facteur 100 ou 10 ou quelque chose comme ça, donc c'est totalement imprévisible. Donc mathématiquement, stricto sensu, il a tort, mais physiquement, il a absolument raison, c'est-à-dire qu'on ne va jamais revoir, et c'est ce qu'on voit dans la vie courante, on ne va jamais revoir le gaz revenir à l'intérieur de son récipient initial. Mmh. À mon sens, c'est un des rares exemples où la physique a raison, bien que les mathématiques ne soient pas totalement vérifiées. Si on avance un peu dans le temps maintenant, puisque ça c'est donc l'équation de 1872, il publie 5 ans plus tard un nouvel article de physique statistique en 1877. Jérôme Pérez, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Alors là, c'est donc dans l'article de 72, il y a les prémices de ce qu'on a vu de l'entropie, de cette chose qui thermodynamiquement est très compliquée et qui est expliquée par cette équation. Qui va toujours vers un état de plus grand désordre. Voilà. Et donc il explique, il donne une formule qui, alors il donne pas exactement la formule qui est écrite sur sa tombe, elle sera un petit peu plus vieille, mais bon, pour simplifier, on va dire que c'est ça. Il va donner la méthode pour quantifier cette entropie. En fonction du dénombrement des états accessibles au système et aux particules de ce système. Donc c'est la méthode qui va être utilisée plus tard pour faire avec d'autres principes physiques, ceux de la mécanique quantique, l'agencement de la matière qui a fait Flores au XXe siècle. Donc ça c'est l'article de 77 dans lequel il y a la formule ou pratiquement la formule de l'entropie qui est écrite sur sa tombe, et c'est égal à log de oméga, et toutes les méthodes inhérentes, c'est-à-dire que l'état d'équilibre est associé au maximum de l'entropie. Enfin, toutes les méthodes qu'on utilise, que j'utilise dans mes cours, par exemple, sont dans cet article de façon écrite, de façon très très claire. C'est très rare de voir un article qui est vieux de presque plus de 150 ans exactement, enfin un peu moins pour les 5 ans là, dans lequel on peut pratiquement tout reprendre, les méthodes, c'est très pédagogique, hein. Ça c'est un autre point aussi qu'il faudrait évoquer sur Maxwell, sur Boltzmann, c'est un professeur extraordinaire, il a eu plusieurs postes dans sa vie, il y a des gens qui faisaient 3 jours de train pour assister à ses cours. Il prenait un très très grand soin pour faire ses cours. Il demandait des tableaux particuliers. À droite, il écrivait ce qu'il fallait qu'on sache. Au milieu, il faisait son cours. Et à gauche, il écrivait tout ce qu'il avait découvert pendant son cours. Enfin, c'était vraiment un professeur extraordinaire. Il avait plein d'aspects comme ça qui étaient vraiment très très intéressants. Une personnalité incroyable sur laquelle on pourrait revenir. Sur laquelle on va revenir dans un instant. Bernard Derrida, sur cette formule qui était effectivement écrite sur la tombe de Boltzmann, quel est l'apport pour vous important en termes scientifiques de ce deuxième article par rapport au premier? Cette formule et la notion aussi d'ensemble qui en a découlé est quelque chose qui a été utilisé depuis en physique statistique pour décrire toutes les propriétés d'équilibre des systèmes. Donc, pratiquement toute la théorie à l'équilibre, donc les changements de phase, par exemple, comment un gaz devient un liquide ou un solide quand on comprime, tout ça, a priori, peut se comprendre à travers cette notion de ce genre de formule d'entropie en fonction de l'énergie ou de généralisation qui sont essentiellement équivalentes à ça. Actuellement, les gens travaillent pour essayer de généraliser ça à des situations qui ne sont pas à l'équilibre, c'est-à-dire pour lesquelles on n'a pas attendu assez longtemps pour que le système ne bouge plus. Donc, pour les systèmes hors d'équilibre, l'équivalent de cette formule de Boltzmann est recherché et beaucoup de gens travaillent sur ces choses actuellement. Les travaux, enfin Boltzmann, on peut signaler que effectivement c'est encore ça produit encore des travaux tout à fait contemporains. On peut citer le fait que la médaille Fields de Cédric Villanitre portait sur des travaux liés à Boltzmann. Un mot peut-être puisqu'on arrive presque déjà malheureusement à la fin de cette émission, Jérôme Pérez, excusez-moi, vous l'appelez bien Maxwell, hein, chacun son tour. Ouais. sur cette notoriété subite de Boltzmann et sur malgré tout la fin de sa vie, on l'entendait au tout début de l'émission. Boltzmann finit par se suicider en 1906 à cause des contradictions, à cause, comme vous le disiez, eh bien, de ses convictions atomistes et statisticiennes qui étaient très à contre-courant de son époque. Alors, on n'a pas des certitudes dans ce domaine, mais disons que quand on regarde un petit peu et quand on lit un petit peu, il y a un certain nombre de biographies qui ont été écrites. C'est beaucoup plus simple que ça. Je pense pas que, et les biographes sont aussi d'accord avec ça, il s'est pas suicidé pour des problèmes de reconnaissance ou de choses comme ça. Il s'est suicidé tout simplement parce que d'abord il était épuisé. Il était malade, il était neurasthémique, il était bipolaire depuis sa plus tendre jeunesse. Et puis il était asthmatique, etc. Il était plus capable d'enseigner aussi à la fin de sa vie, et ça lui pesait beaucoup. Et donc il s'est suicidé pour des raisons qui sont pas de la notoriété. Je pense que sa notoriété était acquise. Et il avait eu quelques déboires aussi, puisqu'il avait pris la présidence d'une université qu'il gérait, voilà, apparemment ça, c'est dû un peu complexe. C'est dû à sa personnalité. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout le professeur qu'on pourrait imaginer à cette époque-là, où les professeurs, c'était des mandarins, etc. Lui, c'était quelqu'un qui était tout à fait naturel. Hein. Il est connu pour s'être promené avec sa vache qu'il avait dans sa ferme, parce qu'on lui avait dit qu'elle ferait du meilleur lait. Il avait énormément d'animaux autour de lui. Il était ami avec ses étudiants, il a milité pour que les femmes puissent accéder à l'enseignement dans l'université. Et donc quand on l'a nommé président de l'université, ou recteur de l'université de Graz, en fait ça a été un problème pour lui parce qu'il ne savait pas gérer ce genre de choses. C'était quelqu'un qui ne savait pas mettre de distance avec les gens, etc. Et donc il y a eu plein de problèmes dans l'université, ça s'est retourné contre lui, donc il a dû gérer des problèmes qu'il n'avait pas à gérer. C'est plutôt sa nature et son caractère qui lui ont posé des problèmes, mais c'est pas pour sa notoriété. Sa notoriété était acquise, et tous les gens qui se sont frottés à lui le faisaient avec beaucoup de respect, et il en était conscient. D'ailleurs, il a été invité même à la fin de sa vie avec Poincaré, avec les plus grands scientifiques de l'époque. Il a été invité dans les grandes universités américaines qui étaient en train de se créer pour donner des cours, pour faire des leçons pendant très très longtemps. Tout ça est résumé dans des livres qu'il a écrits, ses comptes rendus de visites, dont on pourra mettre les références si vous voulez. Bien sûr. C'est vraiment sa notoriété n'est pas à. Il était reconnu, ses travaux étaient reconnus, à la fin de sa vie, il était malade, il était psychologiquement et physiquement, et c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Sur la postérité donc de ces travaux, il y a un auditeur de la méthode scientifique qui nous dit le rayonnement de Hawking, c'est aussi l'équation de Boltzmann. Vous confirmez, Jérôme Pérez? Alors, pas directement, mais disons que le rayonnement du corps noir, qui est de la thermodynamique, et surtout la façon microscopique de comprendre ce que c'est que le rayonnement du corps noir, ça c'est un autre article de Boltzmann dont on n'a pas parlé, ce qui a été l'équation du rayonnement a été produite par Stéphane, son directeur de thèse, de manière empirique, et Boltzmann l'a démontré dans un article extraordinaire qui fait 4 pages, qui est lumineux. Et qui produit ce qu'on appelle la loi de Stefan Boltzmann, qui dit que la densité d'énergie de rayonnement est proportionnelle à la puissance quatrième de la température. Il le démontre dans un article de 4 pages absolument lumineux. Bernard Derrida, sur la postérité justement de ces travaux, immédiatement après, on le disait, le mouvement brownien très très peu de temps finalement après son suicide et finalement qui vient confirmer bien l'intégralité de ses travaux, notamment la notion d'atomisme. Donc en fait la postérité est immense, hein, mais disons il y a deux choses que je peux mentionner qui sont les deux à Einstein. La première, c'est en partant de la formule de l'entropie, Einstein a voulu en 1904 essayer de déterminer la taille des atomes, parce que s'il y a des atomes, on les voit pas et on voudrait savoir quelle est leur taille. Et donc, il a utilisé cette formule de l'entropie pour prédire en fonction de la taille des atomes, quelles seraient les fluctuations des quantités physiques que l'on observe. Jusqu'au 19e siècle, la physique, c'est plus ou moins déterministe, et à partir du 20e siècle, on s'intéresse à la façon dont les quantités fluctuent. Par exemple, si vous prenez une résistance électrique, et que vous mettez aucune différence de potentiel, comme ça, ouverte, eh bien, malgré tout, la tension aux bornes de la résistance électrique va fluctuer, et elle va fluctuer proportionnellement à la température et la constante de Boltzmann, et la constante de Boltzmann a à voir avec la taille des atomes. Pourquoi ça fluctue? Parce que les électrons se baladent, s'agitent dans cette résistance électrique, de temps en temps, il y en a un peu plus d'un côté, de temps en temps de l'autre, ils vont de l'autre, et puis ça crée des différences de potentiel. Donc les fluctuations, c'est les idées d'Einstein, au départ, qui, basé sur la formule de l'entropie de Boltzmann, a permis de comprendre le lien entre les fluctuations et la taille des atomes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce que vous disiez, c'est le mouvement brownien. Et le mouvement brownien, l'explication d'Einstein, le grand succès d'Einstein, c'est d'avoir été capable de la rendre quantitative, c'est que si vous prenez une particule, un grain de pollen, en fait, au départ, et puis que vous le mettez dans un liquide, eh bien, les collisions permanentes avec toutes les molécules du liquide vont faire que ce grain de pollen va commencer à se déplacer, et ça, c'est tout à fait dans la suite des idées de Boltzmann, avec ces collisions entre particules qui ont un effet, qui vont déplacer, bouger ce grain de pollen. Donc, ces deux résultats majeurs qui sont utilisés tous les jours, mais alors aussi bien en mathématiques qu'en physique, dans la physique contemporaine, dans les mathématiques contemporaines, qui sont à la suite des travaux de Boltzmann parmi les premières choses qui ont été faites. Mais autrement, c'est des outils qui sont utilisés tous les jours. Jérôme Pérez, pour conclure justement sur cette postérité aujourd'hui, sur ce que Boltzmann continue à générer dans la physique statistique ou dans les sciences en règle générale. Mais en fait, la postérité, on peut dire que ce qui a été fait juste après, parce que Boltzmann l'a fait dans un cadre classique, avec des particules qui avaient des propriétés classiques. Quand on a compris ce que c'était que la mécanique quantique et comment il fallait décrire effectivement les particules à l'échelle microscopique, et donc les successeurs dans ce contexte, c'est Fermi, Dirac, Bose et Einstein, on a construit ce qu'on appelle les statistiques quantiques. Alors dans le cas des particules comme les photons ou la lumière, c'est un peu compliqué. Les applications sont très récentes et elles commencent à émerger. L'ordinateur quantique, par exemple, c'est une conséquence de ça. Mais quand ce qui concerne les particules de matière, comme les électrons, les protons, etc., et quand on a compris comment on pouvait les gérer à l'échelle microscopique en suivant les indications de Boltzmann, eh bien c'est comme ça qu'on a pu faire l'architecture de la matière, organiser les semi-conducteurs, etc., et ça a été tout l'avènement de la physique du 21e siècle. Du 20e siècle. Et du 21e dans la foulée. Il y a des applications en physique des plasmas, il y a des applications... Parce qu'à ce même moment-là, on a compris que les galaxies étaient des gaz d'étoiles. Et donc l'équation de Boltzmann, c'est ce qui permet de décrire la dynamique des galaxies. Ça, c'est ce que je fais dans mon métier. La physique des plasmas, enfin... Et c'est devenu aussi maintenant le cœur de métier de certains mathématiciens, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a énormément de mathématiciens qui s'intéressent à cette équation. Donc la postérité, elle est phénoménale. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Bernard Derrida, merci Jérôme Pérez d'être venu nous parler de la postérité de ces équations de Boltzmann formulées il y a 150 ans cette année. La méthode scientifique, c'est Loïc Dutoit, joyeux anniversaire. Eve Etienne, Amel Boucherka, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Hélène Trigueros à la réalisation, Ludovic Auger à la technique. Comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.